Douiman. Merci d'être avec nous. C'est le moment de suivre le journal. Voici le sommaire. Un document de politique foncière a été validé ce vendredi. Selon le consultant et professeur d'université Dr Emery Nukuri, les Burundais gaspillent les terres fertiles en y mettant des constructions. Des caféiculteurs ayant vendu leur production à l'usine Kaibou implantée sur la colline Nebusaga de la commune Burambi en province Rumonge, se plaignent de n'avoir pas été payés jusqu'à présent. Notre correspondant nous le dira en détail. Environ 3% de Burundais font la défécation à l'air libre à l'heure actuelle, ce qui multiplie les maladies des mains sales et des décès. Les cérémonies marquant la journée mondiale des toilettes a eu lieu ce vendredi à Kirundo. Certains exposants dans la foire en cours depuis mercredi à l'initiative de l'agence Visite Burundi regrettent de manquer d'acheteurs puisque visiblement l'activité n'a pas fait l'objet de publicité. Pour les organisateurs, l'objectif principal était qu'ils fassent d'abord connaître leurs produits. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique confirme la sanction prise contre cet élève du lycée de Wusiga, renvoyé de l'école pour maraudage des avocats à l'intérieur de cet établissement pendant la nuit. Dans une correspondance adressée au représentant légal de l'ACOPA Burundi en réponse à sa demande d'annulation de cette sanction, le ministre François Vialimana lui fait remarquer qu'aucun recours n'a été introduit par les concernés, ni auprès de lui, ni auprès de l'administration déconcentrée. Par ailleurs, poursuit le ministre de l'Éducation, une équipe d'inspecteurs qui a effectué une descente sur les lieux et qui a interrogé certains élèves, éducateurs et parents, conclut que la sanction infligée à ces élèves est juste et conforme à la réglementation. Pour continuer à jouir de leur droit à l'éducation, conclut la correspondance, les élèves renvoyés sont autorisés à réintégrer l'école au cours de l'année scolaire 2025-2026, conformément à la réglementation en vigueur. Construire dans les terres, construire sur des terres fertiles et beaucoup de litiges fonciers, voilà certains défis relevés dans le secteur foncier au Burundi. Lors de la validation du document de politique foncière ce vendredi, le professeur d'université et consultant dans le domaine foncier, Dr Emery Nukuri, a dans son exposé recommandé au gouvernement de regrouper toutes les institutions foncières dans un seul service dans le but de trouver des solutions à ces problèmes. On l'écoute. On a constaté que le Burundi gaspille les terres fertiles en construisant dans les terres fertiles, alors qu'on devait construire sur les terres arides et conserver les terres fertiles. On a constaté aussi que les terres domaniales sont spoliées par la population qui les occupe parce que les terres n'ont pas été inventoriées, délimitées et titrées. Et ici, on a proposé que l'État lui-même puisse délimiter et enregistrer toutes ces terres, faire le tournée dans ce domaine des terres irrégulièrement attribuées. On a constaté aussi, lors de l'étude diagnostique, que des Burundais ont reçu des terres des autorités incompétentes, notamment les Batois, les Vulnérables, les Rapatriés, par les administrateurs communaux, les gouverneurs de province, le ministère de la Solidarité, qui ne sont pas à première vue incompétents. Et on a vu aussi que des communes échangent avec la population des terrains, mais ne leur donnent pas de documents. Et ici, on a proposé dans la politique foncière qu'on puisse légaliser les documents de ceux qui sont légitimes et c'est très important aussi pour garantir la sécurité. On a constaté aussi qu'il y a une prolifération des quartiers anarchiques, surtout sur les terres agricoles. Ce n'est pas seulement dans la région de Limbo, même à l'intérieur du pays. On a constaté aussi qu'il y a des transactions foncières frauduleuses qui se font pour les étrangers qui achètent des terres et on risque de se retrouver sans terre. On a noté que les problèmes fonciers qu'on a au Burundi, notamment des difficultés au niveau de la gouvernance, des conflits de compétences, des insuffisances de la collaboration, sont dus à ce que la question foncière au Burundi est confiée à plusieurs ministères. Le fait qu'elle est confiée à plusieurs ministères, il n'y a pas de vie globale. Parmi les propositions de la politique foncière, c'est que tous les services en charge du foncier soient groupés au sein d'une seule structure pour plus de cohérence et pour plus de décisions uniques, pour qu'on puisse avoir une bonne gestion foncière avec une efficacité gouvernementale. Docteur Emery Nukuri, consultant dans le domaine foncier, professeur d'université. Certains exposants dans la foire en cours depuis ce mercredi organisée par l'agence Visite Burundi en collaboration avec la direction du tourisme à la place de l'Indépendance déplorent qu'ils n'ont pas pu écouler leurs produits comme ils l'avaient voulu Ils indiquent que cela est dû au fait que les organisateurs n'ont pas pu faire beaucoup de publicité. Ils demandent que cela puisse changer pour les prochaines foires. Un des organisateurs répond qu'en organisant ce genre d'événement, l'objectif principal visé était que les participants puissent faire connaître leurs produits et non de vendre. On fait le point avec Sheila Irambona. C'est vers 10h30 que nous sommes arrivés à la place de l'Indépendance, lieu où se passe la foire organisée par l'agence Visite Burundi, ainsi que la direction du tourisme depuis mercredi de cette semaine. Ce qui s'est remarqué, c'est qu'en cette troisième journée, très peu de personnes étaient en train de visiter les stands. Certains parmi ceux qui possèdent ces stands déplorent ce manque de mouvement. Ils indiquent qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, qui est celui d'écouler le plus de leurs produits. Ce qui nous a poussé à participer dans cette foire, c'est de faire connaître nos produits à base de fruits. Mais si je considère les foires auxquelles nous avons participé, il y avait beaucoup de mouvements, mais ici, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas atteint notre objectif parce qu'il n'y avait pas une publicité suffisante pour que le peuple burundais puisse connaître cette exposition de tourisme. Ils soupçonnent que cela est dû au manque de communication. Selon eux, les organisateurs devraient penser à faire plus de publicité pour les prochaines éditions. Nous demandons qu'ils fassent des publicités pour la prochaine foire, que les gens sachent où se passe la foire et où on se trouve. Juste, nous demandons pour les organisateurs et organisatrices que le ministère du Tourisme puisse faire beaucoup de publicité. À cela, un des organisateurs de cette foire répond qu'en fait, ceux qui ont des stands devraient savoir que l'objectif de cette foire est de faire connaître leurs produits et non de les écouler. Je peux dire que l'objectif est principal de participer dans une exposition. Ce n'est pas l'objectif, mais de vendre le produit, mais de vendre le service, de donner son adresse pour que les clients, s'ils veulent tes produits ou tes services, peuvent vous contacter ou peuvent vous trouver votre adresse facilement. L'objectif principal, ce n'est pas de vendre. Cette foire organisée par Visite Burundi et la direction du tourisme a été organisée dans le cadre de la célébration de la semaine du tourisme. Elle va être clôturée aujourd'hui, vendredi 13 décembre. Sheila Irambona. Les caféiculteurs ayant vendu leur production à l'usine Kaibou implantée sur la colline Busaga de la commune Burambi en province Rumonge se plaignent de n'avoir pas été payés jusqu'à présent. Ils disent qu'ils mènent une vie difficile et voudraient qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Au niveau de l'association Union Abahizi qui achète ce café, l'ont rassuré à pied d'œuvre pour régler la facture. Jean-Pierre Misago. Il s'estime à plus d'une centaine, les caféiculteurs des collines Busaga et Gahinda de la commune Burambi ayant vendu leur café cerise saison 2023-2024 à l'usine Kaibou, sise sur la colline Busaga, qui se lamentent qu'ils n'ont pas jusqu'à présent été payés malgré les promesses de leurs clients depuis juillet 2024, des promesses qui n'ont jamais abouti selon leur dire. Ils disent ne pas être à mesure de régler les factures correspondant aux frais engagés dans la production de leur café et subvenir à leurs besoins. Ils demandent pour cela d'être régularisés. Ephrem Itangijaka, représentant l'association Union Abahizi, ayant acheté ce café, dit que cette association fait tout pour payer les caféiculteurs, si possible avant Noël, informant que le dit café n'est pas encore exporté, mais reste encore dans les stocks de Bujumbura. De son côté, l'administrateur communal de Burambi, saisi par ses caféiculteurs sur ce cas, rassure également que les démarches pour aboutir à leur paiement sont presque au bout. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur de l'alimentation vont travailler en synergie pour combattre les maladies liées à la malnutrition au Burundi. Ce sont des clauses qui sortent carte de l'atelier de consolidation de l'approche multisystémique pour l'amélioration de la nutrition organisée par l'UNICEF ce jeudi. Docteur Célestin Sibomana, secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de la sécurité alimentaire et de nutrition, est confiant que cette collaboration contribuera à la réussite de cette approche. Suivez-le. Nous sortons d'un atelier important, un atelier de consolidation de l'approche multisystémique pour essayer d'améliorer, de renforcer la nutrition dans notre pays à travers une intégration effective des systèmes. Quand je parle des systèmes, il faut comprendre effectivement les systèmes contributifs comme les systèmes agricoles, les systèmes alimentaires dans le cadre général, de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table, et les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale, les systèmes d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement, sans oublier également les systèmes éducatifs, la composante genre, la gouvernance elle-même qui doit prendre en main le dossier et canaliser les efforts. Il a été constaté que depuis fort longtemps, on a considéré les questions de nutrition comme étant une maladie qu'il faut soigner dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Mais on a tous compris au cours de ces assises que les problèmes de nutrition dépassent la dimension sanitaire pour attraper les autres systèmes. Ainsi donc, nous sommes arrivés à convaincre toutes les parties prenantes que les activités en solo ne pourraient pas marcher. Aucun secteur ne pourrait résoudre à lui seul les problèmes de nutrition. C'est pourquoi nous nous sommes convenus qu'il faut définir une politique nationale multisectorielle qui contient des axes programmatiques qui concernent chaque secteur avec des actions concrètes qui nous permettront de quitter les théories et de mettre la main sur la pâte et d'agir sur les causes réelles des problèmes nutritionnels dans ce pays. Et de cette façon, avec la volonté de tous de s'ouvrir et de travailler conjointement main dans la main, nous espérons que nous pourrions arriver à une réponse satisfaisante et inverser la tendance de la situation nutritionnelle dans notre pays. Bien que l'on définisse la politique nationale multisectorielle qui offre le cadre commun des résultats, il faut nécessairement structurer un dispositif intégré de suivi et évaluation pour que nous puissions organiser des revues périodiques et conjointes et essayer de détecter certaines insuffisances et apporter des éléments correcteurs à temps. Nous allons également mener des travaux de recherche pour la génération des évidences, capitaliser sur les résultats des évaluations pour essayer d'améliorer les processus. Et de toute façon, je pense qu'en travaillant comme ça, avec une ouverture de tous les secteurs de travail conjointement, nécessairement que nous allons obtenir une réponse. Docteur Célestin Sibomana, secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de la sécurité alimentaire et de nutrition. Environ 3% de Burundais font la défécation à l'air libre à l'heure actuelle. À propos du directeur général de l'assainissement au ministère de l'Eau, Énergie et Mines, ce jeudi à Ngozi, lors d'un atelier de sensibilisation de la population sur la construction de latrines adéquates. Nestor Girukwishaka et Nadine Ndabigengesere de Great at Vision, une association qui opère dans ce domaine, indique que cela conduit à la multiplication des maladies causant chaque année plus de 360 000 décès d'enfants de moins de 5 ans. Au niveau mondial, il demande qu'il y ait de l'effort pour que tous les ménages aient des latrines adéquates. Apollinaire Muzakara. Comme l'indique Nestor Girukwishaka, directeur général de l'assainissement de base, 264 000 personnes défèquent jusqu'à présent à l'air libre au Burundi suite au manque de latrines, ce qui accroît, selon le directeur général, le risque de maladies infectieuses car ces excréments humains contaminent des sources d'eau et tout l'environnement. Nestor Girukwishaka parle d'un grand défi, d'où des difficultés pour le Burundi d'atteindre l'objectif de développement durable ODD-6 qui vise à faire de l'assainissement pour tous une priorité mondiale en ayant de l'eau propre et latrine adéquate pour tous d'ici 2030. Le directeur général parle de missions difficiles pour arriver à cet objectif, mais que c'est possible si tous les Burundais mettent plus de volonté malgré des moyens financiers qui manquent. Nestor Girukwishaka et Nadine Ndabigengesere, de Great at Vision et présidente de l'association ABBA, traitant la matière fécale en fertilisant 10 biochars très recherchés au niveau mondial, demande à tout ménage burundais la construction d'une latrine adéquate en vue de diminuer ces maladies liées au manque d'hygiène et à ceux qui en sont capables de construire des latrines écologiques afin de profiter des matières fécales et urines pour fertiliser les champs ou gagner de l'argent de cet engrais chimique très recherché. Au niveau mondial, 419 millions de personnes font la défécation à l'air libre, ce qui cause la mort de 361 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Suite à un assainissement inadéquat, les cérémonies marquant la journée mondiale des toilettes se déroulent en commune Vumbi de la province Kirundo au niveau national ce vendredi. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Plus de 37 000 familles burundaises se font soigner grâce aux mutualités communautaires de santé. Déclaration ce 12 décembre du président de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, PAMUSAB, lors de la célébration des 25 ans d'existence des mutualités dans le pays et journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Docteur Edouard Nkurunziza, note à l'actif de cette plateforme durant ces 25 ans, la naissance de la Confédération des Mutuelles, qu'est la CONAMUS, ainsi que la couverture sanitaire des membres partout dans le pays. Mireille Kanyang. Des bénéficiaires de ces mutuelles communautaires qui viennent de passer des dizaines d'années dans ces mutuelles apprécient leur participation à leur gestion. Ils se font soigner non loin de chez eux puisqu'il y a des partenariats avec des centres de santé et la contribution financière est assez acceptable, selon une des femmes qui a témoigné. De son côté, Charles Ndaïze de la province Ngozi a commencé avec ses mutuelles communautaires en 2008. Selon lui, ce qui est important dans une famille, c'est de pouvoir se faire soigner sans difficulté. Lors de la célébration des 25 ans d'existence des mutuelles de santé communautaire par la PAMUSAB, ce 12 décembre, journée qui a coïncidé avec la journée internationale de la couverture sanitaire universelle, Dr Edouard Nkurunziza, président de cette plateforme a fait savoir que l'adhésion de la population à ces mutuelles communautaires a été l'un des défis. Au départ, c'est le défi de l'adhésion. De l'adhésion, la compréhension de la population par rapport à la prévoyance en santé, et ce qui n'était pas facile. Et cela, et même aujourd'hui, c'est ça qui pose encore le problème. Les gens ne comprennent pas l'importance de la prévoyance en santé. Pour pouvoir mutualiser les risques, aujourd'hui, les frais de soins au niveau des structures et de soins, les frais sont chers. Quelqu'un qui est un individu ne peut pas en tout cas faire face à cela. Mais on connaît les causes, il faut agir sur les causes. L'autre cause de cela, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de l'assurance santé ici au Burundi. Sur les 25 ans, des progrès ont été enregistrés, notamment la naissance de la CONAMUS comme confédération qui devient le seul interlocuteur de l'État en matière de santé communautaire, ajoute-t-il. Sur les 25 ans, le premier progrès, c'est que les mutuelles ont commencé en 1999 et elles sont toujours là et elles continuent à exister en 2024. Je dirais que cette longévité, c'est déjà un progrès. Le deuxième progrès, c'est que ces mutuelles de santé, après 25 ans, se sont rassemblées en un organe fédéral qui est la Confédération nationale des mutuelles de santé du Burundi. C'est déjà un progrès parce que ça permet à ce que ces mutuelles de santé se renforcent mutuellement et ça permet aussi à l'État d'avoir un seul interlocuteur au lieu d'avoir plusieurs mutuelles qui sont éparpillées ici. Troisièmement, c'est ce que nous appelons l'intermutualité. L'intermutualité qui permet à ce que toutes ces fédérations qui sont dans le pays. Lors de cette célébration ce 12 décembre, le président de la PAMUSAB a fait savoir que jusqu'aujourd'hui, plus de 37 000 familles se font soigner grâce à ces mutuelles communautaires. Mireille Kanyangé, et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.